Pour ce premier numéro de cette saison 2014-2015 de la Fabrique de l'Histoire, nous vous proposons quelques changements, et vous l'avez déjà noté, celui du générique, signé cette fois-ci de la fanfare sicilienne Banda Ionica, tout en remerciant avec beaucoup de chaleur et d'amitié Denis Charolles et la compagnie des musiques Awir qui avait composé celui qui nous a accompagnés pendant 10 ans, oui tout de même 10 ans. Ce matin, nous recevrons jusqu'à 9h35 la spécialiste de civilisation britannique Nathalie Duclos à propos du référendum en cours sur l'indépendance de l'Écosse. Et puis, dans la seconde partie de cette émission, nous aborderons en douceur le thème des trois émissions de mardi, mercredi et jeudi prochain de la Fabrique de l'Histoire, la libération de la France. Nous avons en effet décidé cette saison de prendre à bras le corps cette question: que s'est-il passé sur notre territoire entre 1944 et 1945? Comment les nouveaux pouvoirs se sont-ils installés? Quels jeux de pouvoir ont eu lieu à la libération? Comment a-t-on mis en œuvre ou pas les réformes pensées pendant la guerre? Nous traiterons de ces questions plusieurs fois, plusieurs semaines durant cette année 2014-2015. Mais pour commencer, nous recevrons avec Anaïs Quien le président du comité historique de la mission interministérielle du 70e anniversaire de la libération. J'ai nommé l'historien Jean-Pierre Azéma. Peut-être avez-vous besoin d'un petit mode d'emploi de cette émission qui change légèrement en cette rentrée. Et ce mode d'emploi, nous allons pouvoir peut-être le présenter en fonction de ce qui s'est passé pendant cet été. Un drôle d'été pour l'histoire, un été de souvenirs du passé d'abord, car tout au long de ces deux mois de juillet et d'août, on a cessé de commémorer de la Normandie début juin à Hartmannswillerkopf dans le Haut-Rhin début août, de Sarajevo fin juin à l'esplanade de l'Hôtel de Ville de Paris fin août. L'été a vu se croiser la commémoration du centenaire de la Grande Guerre et celle des 70 ans de la libération de la France, dont nous parlerons tout à l'heure avec Jean-Pierre Azéma. L'occasion à chaque fois de gestes symboliques, des embrassades, des poignées de main, mais aussi de spectacles historiques, privilégiant souvent une lecture simplifiée du passé à la complexité des faits. Cet usage de l'histoire commémoratif était écrit et donc relativement prévisible, moins prévisible. En tout cas, cet été, l'usage du passé dans l'actualité, ainsi en Ukraine, où le passé de la région pendant la Seconde Guerre mondiale ne cesse de remonter dans les discours, mais aussi dans les actes, comme lorsque des prisonniers ukrainiens ont défilé fin août sur la place Lénine de Donetsk, dans une parade de parodie du défilé des prisonniers allemands sur la place Rouge de juillet 44. Ainsi, au Proche-Orient, ou pendant l'été, un nouvel État autoproclamé, l'État islamique, est né, contestant, comme le disait ce matin l'invité de Thierry Garcin, les zones d'influence établies en 1916 entre France et Grande-Bretagne dans cette région, lors des accords Sykes-Picot, et se réclamant d'un califat, un concept de gouvernement dont nous aurons bien entendu l'occasion de reparler bientôt, très bientôt, dans la Fabrique de l'Histoire. Encore moins prévisible cet été, une polémique autour de l'histoire, et plus exactement du grand moment de rencontre autour de notre discipline, les rendez-vous de l'histoire. En plein cœur de l'été, quand tout le monde était en vacances, une demande de boycott de notre canne à nous a été lancée dans Libération par un écrivain, Édouard Louis, et le philosophe Geoffroy de Laganerie, décidé à ne pas participer au débat auquel ils étaient conviés dans le cadre de ces rendez-vous consacrés cette année aux rebelles, mais ouverts par le philosophe Marcel Gauchet, qu'il considérait comme un rebelle contre les rébellions et les révoltes durant tout l'été. Vous l'avez sûrement noté peut-être sur les réseaux sociaux, mais également dans vos journaux. Défenseurs et opposants de ce boycott se sont répondus par tribune interposée jusqu'à la dernière d'entre elles, celle signée Régis Debray. C'était dans Le Monde de ce week-end. Commémoration donc, usage politique de l'histoire, débat entre historiens chaque jour, comme pendant ces 10 dernières années. Donc la Fabrique se fera le relais de cette présence du passé dans notre quotidien. Mais nous tenterons également de rendre compte de plus d'ouvrages d'histoire, d'historiens, d'historiennes, que par le passé. Vous le savez peut-être, l'émission des lundis de l'histoire s'est arrêtée au début du mois de juillet, ne sera pas présente dans cette grille de rentrée. Elle présentait, grâce à Jacques Le Goff, récemment disparu juste avant l'été, mais également à Roger Chartier, Michel Perrault, Philippe Levillain, que nous saluons respectueusement depuis des années avec beaucoup de précision et de finesse les publications récentes des chercheuses et des chercheurs en histoire. Nous tenterons beaucoup plus modestement le lundi, en première partie de notre émission, de présenter un ouvrage récent d'historienne ou d'historien ou de sciences sociales pour rendre compte de la richesse éditoriale en histoire en France aujourd'hui et donner de la profondeur à des débats contemporains. Ce matin, la spécialiste de civilisation britannique, Nathalie Duclos, maître de conférence à l'université de Toulouse de Jean Jaurès et auteur de L'Écosse en quête d'indépendance, qui est paru donc au début de l'été aux presses universitaires de Paris-Sorbonne, est notre invité. Bonjour Nathalie Duclos et merci d'être là pour cette première émission de la saison. Bonjour. Alors, vous venez de publier « L'Écosse en quête d'indépendance » avec un point d'interrogation, sous-titré « Le référendum de 2014 » dans une collection des presses universitaires de Paris-Sorbonne qui s'intitule « Essai », une collection dirigée par Olivier Forcade et Daniel Seyant. C'est une bonne idée que de vous avoir demandé à cet ouvrage à vous, à cette occasion-là, puisque vous êtes spécialiste de l'Écosse depuis très longtemps et tout compte fait, c'est un pays dont on parle relativement peu, sauf depuis que ces rumeurs d'indépendance ont commencé à monter dans les débats d'actualité. Oui, je pense qu'en France, on n'a pas l'habitude de considérer ce qu'on appelle en anglais les nations sans État. Mmh. Et c'est peut-être pour ça qu'on parle assez peu d'Écosse en France et qu'on parle plus de l'État britannique ou de Londres que de l'Écosse à part entière. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'il faut tout de suite dire à nos auditeurs, c'est qu'il faut peut-être faire la distinction entre, par exemple, ce cas écossais et un autre cas très connu auquel on compare souvent en Europe, à savoir le cas catalan. Vous faites tout de suite un sort dans votre livre « L'Écosse en quête d'indépendance », Nathalie Duclos, à cette comparaison qui vous apparaît fallacieuse. Pourquoi ? Ce n'est pas que la comparaison m'apparaisse fallacieuse, je pense que la comparaison elle est justifiée, puisqu'il s'agit là de deux mouvements indépendantistes ou régionalistes à l'intérieur de vieux États européens. Donc je pense que la comparaison elle est tout à fait justifiée, d'autant que la Catalogne risque d'organiser un référendum juste après le référendum écossais. Mon argument était plutôt que le cas écossais est différent du cas catalan, même si la comparaison est possible. Le cas écossais est très différent et très spécifique, il me semble, parce que Londres a tout de suite, dès 2011, dès l'élection d'une majorité nationaliste au Parlement écossais, a reconnu la légitimité des Écossais à organiser un référendum. Et c'est en ça que le cas écossais diffère assez nettement du cas catalan. Alors ça, il faut peut-être l'expliquer à nos auditeurs, et pour l'expliquer, il faut forcément passer par l'histoire. Qu'est-ce qui explique justement que le gouvernement de Londres ait mis aussi peu de freins à cette demande d'indépendance, ou du moins aussi peu de freins depuis peu de temps à cette demande d'indépendance, puisque cette demande d'indépendance, et on va l'expliquer à nos auditeurs, remonte donc beaucoup plus loin dans le temps. Pourquoi y a-t-il si peu de freins à cette demande d'indépendance ? Alors, il y a plusieurs raisons. Je dirais que la première, et c'est encore là une spécificité britannique, c'est le fait que personne au Royaume-Uni, ou quasiment personne au Royaume-Uni, ne conteste à l'Écosse le statut de nation. Et c'est aussi peut-être en ça que l'Écosse diffère du cas catalan. Mmh. Tout comme tout le monde est d'accord pour dire que l'Angleterre est une nation, tout le monde est d'accord pour dire que l'Écosse est une nation. Au Royaume-Uni, ce qui fait débat, c'est plus le fait que... Est-ce que l'État britannique constitue lui-même une nation britannique ou pas ? Mais ce n'est pas le fait que l'État britannique soit lui-même constitué de nation. Donc ce statut de nation implique que l'Écosse a droit à l'autodétermination. La deuxième chose, qui est là aussi spécifique au Royaume-Uni, c'est que le socle fondateur de l'État britannique est l'Union anglo-écossaise de 1707. Et cette union anglo-écossaise est considérée comme ayant été une union volontaire entre deux États qui n'étaient pas égaux économiquement et politiquement, qui n'étaient pas de puissance égale, mais qui, du moins, avaient un statut égal en tant qu'État indépendant. Voilà, donc ce double constat de l'égalité de statut entre les deux États anglais et écossais avant l'Union et le fait que l'Écosse constitue une nation explique en grande partie que l'Écosse est considérée comme ayant le droit à l'autodétermination. Alors, chaque auditeur curieux d'actualité mais ne connaissant pas très bien l'histoire de la Grande-Bretagne se dit, quand je fais référence à une volonté d'indépendance, je fais forcément référence à la volonté d'indépendance de l'Irlande, par exemple. Et tout compte fait, les Britanniques n'ont pas été aussi tranquilles vis-à-vis de cette volonté d'indépendance de l'Irlande. Au contraire, ça a été un combat sanglant tout au long du XXe siècle. Donc, qu'est-ce qui explique la différence, là aussi ? Vous avez fait la différence entre l'Écosse et la Catalogne, mais qu'est-ce qui explique la différence entre, justement, l'Écosse et une autre partie de ce Royaume-Uni, c'est-à-dire l'Irlande ? Bien justement, c'est la différence de nature entre les unions anglo-écossaises et l'union britannico-irlandaise. L'union britannico-irlandaise du début du 19e siècle a été imposée à l'Irlande. Et l'Irlande, de toute façon, avant cette union, était déjà largement colonisée par les Britanniques. Et donc, à l'inverse, donc l'union, comme je le disais, l'union anglo-écossaise est une union volontaire, plus ou moins choisie, mais en tout cas non imposée et ne constitue pas une annexion d'un territoire par un autre. Mais l'union de deux nations. L'union de deux... Alors, le terme de nation, pour parler du 18e siècle, au tout début du 18e siècle, pose problème, mais en tout cas de deux royaumes... indépendant. Alors, ce qui est amusant, c'est que quand on vous lit, donc dans votre livre, Nathalie Duclos, L'Écosse en quête d'indépendance, on voit bien qu'il y a eu, évidemment, par rapport à cette volonté, soit d'autonomie, soit d'indépendance, de cette région écossaise, il y a eu des tergiversations dans les partis politiques, en Angleterre, mais également en Écosse particulièrement. Et on fait référence parfois à des moments d'union ou des moments pacifiques, 1707. On peut faire référence aussi à la bataille de Culloden, par exemple, en 1746, qui n'est pas aussi tranquille que cela, puisque ce sont ceux qui voulaient récupérer une sorte d'indépendance écossaise qui étaient du côté, les Jacobites, qui étaient donc du côté de l'ancienne dynastie qui gouvernait l'Écosse, qui se sont bagarrés contre les Britanniques et qui ont perdu cette bataille à Culloden en 1746. Donc on peut faire référence à l'un ou l'autre des événements. Union volontaire 1707, bagarre pour pouvoir récupérer son indépendance dès 1746. Nathalie Duclos. Alors la différence est que l'union de 1707 concerne l'Angleterre et l'Écosse, alors que la bataille de Culloden, qui est souvent représentée comme une bataille entre l'Angleterre et l'Écosse, n'en est en fait pas une. La bataille de Culloden est largement une bataille écosso-écossaise. Entre loyalistes d'un côté, on pourrait exactement, dire. Exactement. Entre loyalistes et jacobites, qui eux sont loyaux à l'ancienne dynastie qui a été évincée, la dynastie Stuart. Alors, si on avance dans le temps, on voit cette union, donc en 1707, qui permet une sorte d'autonomie, disons, de, non pas de fait, mais presque de pensée de cette Écosse, l'union de ces deux parties du nouvel empire britannique, de cette Grande-Bretagne, au XVIIIe siècle. Et puis ensuite, il y a le XIXe siècle. Donc on se dit, en vous lisant, alors qu'on aborde le XIXe siècle, mouvement des nationalités un peu partout en Europe, ça va péter forcément du côté de l'Écosse. Or non, ça ne pète pas du côté de l'Écosse, Nathalie Duclos. Non, parce qu'au XIXe siècle, l'Écosse bénéficie largement de son union avec l'Angleterre. D'abord du fait de son appartenance à l'Empire britannique et du fait qu'elle constitue un fer de lance au même titre que l'Angleterre de la Révolution industrielle. Et donc le nationalisme écossais, si on peut l'appeler comme ça, le nationalisme écossais du 19e est un nationalisme unioniste. C'est-à-dire que les Écossais au 19e siècle jugent qu'il est dans l'intérêt de l'Écosse de rester unis avec l'Angleterre. Alors, ce 19e siècle ne voit pas d'immenses mouvements, mais néanmoins, à partir du moment où la fin du 19e siècle voit bouillonner l'Irlande, évidemment, cette demande de ce qu'on appelle home rule du côté de l'Irlande va commencer à faire germer quelques idées chez les Écossais. En l'occurrence, qu'est-ce qui se passe, mettons, aux alentours des années 1870-1880, Nathalie Duclos, qui puisse expliquer la lente maturation d'une idée, peut-être pas encore d'indépendance, mais au moins d'autonomie de cette Écosse par rapport à la Grande-Bretagne. Alors, à la fin du 19e siècle, donc à peu près dans les années 1880, l'Écosse commence à se poser la question de son autonomie parlementaire. L'Écosse est déjà largement autonome et gère ses affaires intérieures de façon largement autonome, mais elle commence à se poser la question de la création d'un parlement écossais autonome, comme vous l'avez expliqué, à la suite des mouvements autonomistes ou indépendantistes en Irlande. Il faut comprendre qu'à la fin du 19e siècle, le nationalisme dominant en Irlande n'est pas indépendantiste, mais est autonomiste et souhaite la création donc d'un parlement irlandais autonome au sein donc de l'Empire. Et c'est ce modèle-là qui intéresse certains Écossais et notamment membres du Parti libéral à la fin du 19e siècle et qui les mène à fonder une association pour le Home Rule, donc pour l'autonomie parlementaire en Écosse. Alors, cette association n'est pas encore un parti politique. On peut dire que c'est quoi ? C'est une sphère d'influence, un lobby qui veut justement influencer l'évolution des rapports entre Londres et Édimbourg ? C'est ça, c'est ce qu'on appellerait aujourd'hui un groupe de pression, dont l'objectif est de convaincre le plus grand nombre de parlementaires possible, notamment au sein du Parti libéral, qui est plus favorable au principe du Home Rule pour l'Irlande que le Parti conservateur qui lui est opposé. Et donc son objectif n'est pas de former du tout un parti politique, mais d'influencer, de convaincre le plus grand nombre de parlementaires possible. Alors, ce travail de lobbying ne porte pas ses fruits. La Première Guerre mondiale intervient. Évidemment, là, l'Union sacrée emporte tout. On ne discute plus ni d'autonomie, ni d'indépendance, ni de parlement séparé. Et tout compte fait, c'est après la Première Guerre mondiale que va commencer à naître une véritable bagarre politique avec des partis qui sont, expliquez-vous dans votre livre, Nathalie Duclos, dans l'Écosse en quête d'indépendance, aux presses universitaires de Paris-Sorbonne, des bagarres qui sont d'abord clivées au point de vue politique. D'un côté, il y a des conservateurs, de l'autre côté, il y a des progressistes, plutôt socialistes, qui créent des partis séparément et puis qui voient tout compte fait que pour faire avancer leurs revendications, ils voudraient peut-être mieux s'unir. Nathalie Duclos. Oui, la Première Guerre mondiale change la donne car elle aboutit finalement à la fin des années 10 et au début des années 20 à l'indépendance de fait d'une grande partie de l'Irlande. Et donc les autonomistes écossais s'inquiètent du fait que la question du Home Rule ne sera plus du tout à l'ordre du jour. Et donc leur stratégie de pression et à petits pas ne portera plus ses fruits. Donc effectivement, ils se mettent à fonder des partis qui sont plus ou moins de gauche ou de droite, progressistes ou conservateurs, mais ce sont des groupuscules, des minuscules partis politiques qui s'unissent juste pour unir leurs forces, parce qu'il faut comprendre qu'il s'agit de quelques dizaines d'individus. Mais là, ce qui est intéressant, c'est qu'on passe de l'autonomie revendiquée, d'un parlement séparé, à déjà un discours plutôt indépendantiste. Ça devient plus dur au point de vue des réclamations, Nathalie Duclos, dans ces années d'entre-deux-guerres. Alors, c'est le moment où apparaissent les premières revendications indépendantistes, les premiers mouvements indépendantistes. Toutefois, il y a, au sein du mouvement nationaliste, il y a une vraie bataille rangée entre ceux qui souhaitent l'autonomie et ceux qui souhaitent l'indépendance. Et en général, les indépendantistes sont souvent plus radicaux, plus de gauche, que les autonomistes qui peuvent être de gauche comme de droite. Alors, la Seconde Guerre mondiale intervient, et après la Seconde Guerre mondiale, les cartes sont également rebattues. Et tout compte fait, moi j'étais très surpris en vous lisant de voir, je ne sais pas pourquoi, c'est sûrement une idée reçue, que parmi les plus farouches, réguliers, opposants à cette question de l'indépendance de l'Écosse, ben, il y avait les travaillistes, c'est-à-dire la gauche donc écossaise ou la gauche britannique en général, qui considéraient que tout compte fait, si on amputait l'Empire britannique, enfin la Grande-Bretagne d'après la Seconde Guerre mondiale, si on l'amputait d'une partie importante, c'est-à-dire de cette Écosse, eh bien, on pouvait mettre en cause tout simplement les acquis de la libération. On parlera tout à l'heure avec Jean-Pierre Azéma de cette libération de la France, là. Mais les acquis de la libération, de la fin de la guerre, et en particulier le welfare state qui s'était mis en place progressivement, parce que tout compte fait, eh bien, on ne pourrait plus partager de la même manière le gâteau de la prospérité renaissante, du moins espérée, Nathalie Duclos. Exactement. Le Parti travailliste a des origines autonomistes, mais cette tendance autonomiste devient minoritaire après la Seconde Guerre mondiale, où la priorité pour le Parti travailliste est bien de développer l'État-providence et d'unir les forces syndicales anglaises et écossaises et d'avoir des gouvernements travaillistes forts. Voilà. Et c'est pour ça que le parti devient centralisateur et très opposé à l'autonomie écossaise à ce moment-là. Alors, cette petite poignée que vous nous décriviez dans les années 30 de personnes qui voulaient l'indépendance, est-ce que dans ces années d'après Seconde Guerre mondiale, les années 50, mais surtout les années 60 et 70, est-ce qu'elle devient plus nombreuse? Elle s'étoffe, cette petite poignée, Nathalie Duclos? Alors, dans les années 50, la petite poignée ne s'étoffe pas encore. Le principal parti indépendantiste, qui s'appelle le SNP, a du mal à survivre. Un de ses dirigeants dit d'ailleurs qu'en 1955, il n'était que quelques dizaines de membres. Par contre, dès 10 ans plus tard, le SNP arrive, à l'occasion d'une élection partielle, à remporter un siège au Parlement. Bon, un siège, c'est pas encore le raz-de-marée. C'est pas encore le raz-de-marée, mais cette victoire électorale a une grande importance symbolique, car elle donne une visibilité à ce parti qu'il n'avait pas avant. Et cette élection est suivie d'élections locales où le Parti nationaliste fait de très bons scores. Et cette élection de 67 va inaugurer en fait une dizaine d'années de montée électorale pour ce parti nationaliste. Et donc de plus en plus de votants pour ces nationalistes donc du SNP dans les années 70, mais là tout compte fait on peut se dire c'est le mouvement que l'on connaît un peu partout en Europe aussi, de volonté d'autonomie, volonté d'indépendance ou d'autonomie de beaucoup de mouvements qui se développent. Et puis tout de même, une première déconvenue, 1979, Madame Thatcher arrive au pouvoir. Et là, évidemment, pendant toutes les années Thatcher, il est difficile de faire crier une volonté d'indépendance comme celle-ci, même si dans ses mémoires, Madame Thatcher dit qu'il est naturel qu'il y ait une nation écossaise et qu'il est naturel également que cette nation écossaise puisse, à un moment ou à un autre, obtenir son indépendance. Elle n'a jamais rien fait pour pendant le temps où elle était au pouvoir. Non, bien au contraire. Mais paradoxalement, on dit souvent que la création du Parlement écossais est en grande partie due à ces années Thatcher, bien malgré elle, bien entendu. Pourquoi ? Parce que ces années Thatcher sont le moment... On remarquera comment vous prononcez beaucoup mieux le nom de Madame Thatcher que moi. Je vous laisse continuer. Ces années Thatcher sont le moment où un véritable consensus se forme en Écosse, du moins dans les élites politiques et sociales écossaises, sur la nécessité d'un Parlement écossais autonome, voire de l'indépendance. C'est justement le refus de Madame Thatcher de prendre en considération les sensibilités et les spécificités écossaises qui convainquent beaucoup de sceptiques de l'intérêt d'un Parlement écossais autonome, où les Écossais qui votent systématiquement pour le Parti travailliste et contre le Parti conservateur, et qui sont déçus 4 fois d'affilée dans les années 80 où le Parti conservateur est élu et réélu sans cesse. C'est ces années-là qui convainquent beaucoup d'Écossais du fait que un Parlement écossais autonome pourrait constituer une place forte travailliste au sein du Royaume-Uni. Alors ce qui est intéressant, c'est que, comme on ne peut pas trop parler d'indépendance, comme la question de l'autonomie, c'est compliqué, on va inventer un nouveau mot. Enfin, moi, j'ai découvert ce nouveau mot, le mot de dévolution. C'est le mot, d'ailleurs, sous lequel tout ce processus qui a commencé dans les années 97-99 s'est mis en route. Donc, ce mot de dévolution va, d'une certaine façon, masquer, comme vous l'expliquez, Nathalie Duclos, cette volonté d'indépendance. On va rendre des pouvoirs à un Parlement qu'on va installer, et ces pouvoirs vont être de plus en plus nombreux. Plutôt que de parler d'indépendance, on parle de dévolution. Alors, on ne peut pas parler d'indépendance puisqu'il s'agit d'autonomie, mais l'intérêt du terme dévolution, il est double. D'abord, c'est pour différencier la dévolution de la décentralisation, on peut penser qu'il s'agit d'une forme de décentralisation. Mais quand on parle de décentralisation, on pense plutôt à donner des pouvoirs à des régions. Or, l'Écosse ne se considère pas et n'est considérée par personne comme une région. C'est une nation à l'intérieur du Royaume-Uni. Il y a des régions à l'intérieur de l'Écosse et à l'intérieur de l'Angleterre, mais l'Angleterre et l'Écosse ne sont pas des régions. Donc, le terme de dévolution... Et là, officiellement, pour indiquer qu'on est en train de donner des pouvoirs non pas à des régions, mais à des nations à l'intérieur de l'État. Mais l'autre intérêt de ce terme de dévolution, c'est qu'il montre bien que c'est le centre qui donne des pouvoirs à la périphérie. Alors que le mouvement autonomiste, en fait, le centre ne donne des pouvoirs à la périphérie qu'à la suite de pressions venant de la périphérie. Mais ce terme de dévolution est là pour rappeler que le centre donne des pouvoirs et qu'il peut les reprendre. Alors, quand on vous lit dans votre livre « L'Écosse en quête d'indépendance », qui est une sorte de manuel de comment, d'une certaine façon, des gens qui étaient très minoritaires au départ ont réussi à faire avancer leur cause, c'est-à-dire la cause de la volonté d'indépendance, donc publiée aux presses universitaires de Paris-Sorbonne, on est surpris d'autre chose. Moi, j'ai été très surpris de cette question, qui est une question de sciences politiques. Vous êtes spécialiste de sciences politiques, Nathalie Duclos, qui est, nous, ça nous apparaît normal, le référendum, c'est la bonne façon de faire. Mais pour les Britanniques, il a fallu un long travail, très long, que vous expliquez par le menu, Nathalie Duclos, de se convaincre que le référendum était une procédure démocratique dans un régime comme le régime parlementaire britannique. Pourquoi donc avoir un deuxième moyen de vérifier l'opinion du peuple, Nathalie Duclos ? Oui, il faut comprendre que les Britanniques, dont on dit souvent qu'ils n'ont pas de constitution écrite, mais qui ont en fait toute une série de textes constitutionnels et de règles et de conventions constitutionnelles, les Britanniques sacralisent le principe de souveraineté parlementaire. Et donc, ce principe veut que ce n'est pas le peuple qui est souverain directement, mais ce sont les représentants du peuple, qui, donc le Parlement, qui est souverain. Et donc à ce titre-là, le référendum pourrait porter un coup fatal à cette démocratie représentative dont est si fière la Grande-Bretagne. Exactement. D'autant que le référendum, en plus d'être jugé contraire à la tradition parlementaire, le référendum est souvent associé à la dictature et donc à l'Europe continentale, plus qu'à un Royaume-Uni qui aime à se croire... plus démocratique. Plus démocratique de nature. Oui, donc la crainte du plébiscite, du coup de force, etc. etc. C'est ce que... Exactement. Alors comment ça fait son chemin à la fois chez les Britanniques et puis chez les gens à Londres, du côté du Parlement à Londres ou encore du Parlement écossais, de passer par cette voie qui sera la voie du référendum que nous connaissons maintenant, puisque depuis maintenant la semaine dernière, eh bien, le référendum est lancé et doit trouver son terme le 18 septembre prochain, hein, Nathalie Duclos. On peut dire que le chemin a été double. Tout d'abord, le Royaume-Uni n'est pas subit les mêmes pressions que les autres vieilles démocraties occidentales de la part du peuple qui souhaite intervenir de façon plus directe dans les affaires publiques. Donc toutes les vieilles démocraties occidentales sont traversées de demandes de formes de démocratie participative. Et le Royaume-Uni, comme les autres. Donc les gouvernants britanniques ne peuvent pas être sourds à ces demandes de participation publique aux affaires de la cité. Et en plus de ça, il faut dire que le référendum s'est petit à petit imposé pour des raisons beaucoup moins nobles et beaucoup moins théoriques, mais pour des raisons beaucoup plus pragmatiques. Le premier référendum britannique, c'est-à-dire qui a concerné l'ensemble des Britanniques, et le référendum de 75 sur le maintien du Royaume-Uni au sein de la communauté européenne. Et d'une certaine façon, le verre était dans le fruit. Une fois que celui-ci avait été fait, on pouvait utiliser la procédure référendaire. On pouvait l'utiliser, mais la procédure référendaire n'était pas jugée obligatoire pour chaque question de grande importance ou chaque question constitutionnelle. Et ce n'est que très récemment, et très partiellement d'ailleurs, que l'on considère les référendums sont obligatoires du fait des précédents pour les questions constitutionnelles. Alors évidemment, on ne demande pas à une spécialiste de sciences politiques, pas plus qu'à un historien ou une historienne, de faire des prédictions, mais néanmoins, dans votre livre, vous y réfléchissez aux conséquences que un oui ou un non pourrait avoir à ce référendum. Quelles seraient les conséquences les plus frappantes pour un observateur qui ne connaît pas bien cette histoire-là quand il se rendrait du côté d'Édimbourg ou de l'Écosse, une fois si le oui l'emporte, une fois l'indépendance acquise, Nathalie Duclos? Je pense que l'observateur étranger ne verrait guère la différence. Sauf si le gouvernement britannique tient son engagement à ne pas signer une union monétaire avec les Écossais et contraignait d'une manière ou d'une autre les Écossais à adopter une nouvelle monnaie et à abandonner la livre sterling. Mais à part la question de la monnaie, je vois mal ce qui pourrait frapper un observateur étranger. Non, et puis en particulier, celui qui regarderait ça de près, d'après ce que j'ai cru lire chez vous, verrait toujours Elisabeth II à la tête de l'Écosse devenue indépendante, puisque au-delà de cette union de 1707, il y a un autre moment important, l'union des couronnes d'Angleterre et d'Écosse de 1603, qui précédait cette union politique de 1707, qui faisait une sorte d'union dynastique, et donc il n'y avait pas de raison. Il n'y a pas de raison de ne pas rester sous la couronne britannique, c'est cela ? Exactement, d'autant qu'en 1603, c'est le roi d'Écosse qui est devenu roi d'Angleterre. Et donc, le parti nationaliste dit qu'il ne voit pas pourquoi l'Écosse renoncerait à son roi. Bien sûr, la raison de l'adoption de cette politique de maintien de la monarchie, elle est parce que elle est politique. Hein. Il faut savoir que la monarchie est très populaire en Écosse comme en Angleterre. Et le principal objectif, enfin, la priorité du SNP est de rassurer les électeurs, et le maintien de la monarchie rassure beaucoup de gens. Merci Nathalie Duclos d'être venue avec autant de précision, puisque vous connaissez ce sujet par cœur, donc nous parler de ce référendum écossais, d'avoir fait le déplacement depuis Toulouse jusqu'à nos studios à Paris. L'Écosse en quête d'indépendance, le référendum de 2014 est signé de votre plume aux éditions des presses universitaires de Paris-Sorbonne dans la collection Essai. Merci, et on attendra donc le résultat. Alors, ça sera après le 18 septembre ? Ça sera le 18 septembre. Exactement, dans la nuit, donc le résultat de ce référendum pour savoir ce qu'il adviendra de l'Écosse dans les années à venir. Merci encore. – 9h38 sur France Culture, vous écoutez La Fabrique de l'Histoire, donc, et nous sommes dans cette première série de la rentrée donc, de France Culture. Nous avons parlé du référendum écossais, nous allons parler bientôt de la libération de la France. Bonjour Anaïs Kerr. – Bonjour. Nous parlons de la libération de la France parce que nous avons décidé, comme je le disais en ouverture de cette émission, que cette année serait un peu, comme l'année précédente était un peu sous l'égide de la commémoration de 1914, que nous allons continuer d'ailleurs avec vous à suivre… Oui, parce que la France ne s'est pas libérée en un jour. Exactement. Nous avons décidé de traiter de ces questions de libération de la France sur une longue saison jusqu'au mois de mai ou de juin prochain, puisque évidemment, si Paris, on l'a entendu, a été libéré en août 44, si beaucoup de villes sont libérées en août 44, le reste du territoire est libéré progressivement, avec beaucoup de difficultés, jusqu'au 8 mai, voire au 9 mai 1945. Et oui, Strasbourg en mai 1945. Ouais. Notamment, donc cette libération est très progressive. Et les poches de l'Atlantique, par exemple, également. Alors, donc, pour ouvrir cette saison, nous avons décidé, à partir de demain, de traiter de la question de la libération. Et nous écoutons un écho de cette libération, la libération de Paris. C'était Pierre Crenès au micro, justement, de cette radio nouvellement libérée. Ici Radiodiffusion de la Nation française. Par ordre du gouvernement provisoire de la République, messieurs les curés sont requis de faire sonner les cloches de leurs églises pour annoncer l'entrée des troupes françaises et alliées dans Paris. N'importe qui, tout le monde saura sonner les cloches ce soir. Il n'est pas nécessaire d'être sacristain et d'avoir appris. Tout le monde sait sonner les cloches. Nous vous rappelons également qu'il est tout de même nécessaire de prendre encore quelques mesures de sécurité. Pavoisez si votre quartier est calme. Sortez dans la rue si votre quartier est calme. Des rues de blindés. Et pendant une minute, peut-être une seconde, un centième de seconde, j'ai cru, parce que j'en avais l'habitude que c'était des blindés allemands, et la chose était tellement belle encore que je pouvais l'imaginer, mais non, c'était deux blindés de la division Leclerc, avant-garde de l'armée de la libération. Les avant-gardes de l'armée de la libération annoncent que dans quelques heures, dans quelques instants, peut-être, le gros des troupes, des armées britanniques, américaines et françaises, seront sur cette place de l'hôtel de ville, en plein centre de Paris, que nous pourrons les acclamer et qu'ils auront chassé les derniers poches de la capitale. Ouvrez les cloches! Tout le monde sait sonner les cloches, je ne sais pas sonner les cloches, mais visiblement, à cette époque-là, on savait sonner les cloches, Anaïs Kerr. Donc on va parler beaucoup pendant cette semaine, demain, après-demain au moins, et peut-être même encore jeudi dans la dernière émission de cette thématique, de la place de la radio. Oui, absolument, et à commencer par le documentaire que nous diffusons demain, un documentaire de Philippe Modol qui date de février 2002, qui avait été produit au sein de La Fabrique dans sa version hebdomadaire, Les Voix de la Liberté, réalisé par Christine Robert, qui évoque justement cette reconstruction progressive de la radio au fur et à mesure que la France se libère. Il faut reconstruire un réseau radiophonique pour parler à la France. Alors comment l'informer, cette France? Comment négocier avec la nouvelle censure alliée? Comment s'adresser à une France largement divisée sous l'occupation? C'est cette grande traversée que nous propose Philippe Modol, cette grande traversée qui nous amènera à Cherbourg, à Toulouse, à Limoges, pour sortir un peu de Paris, à Lyon, et puis à Strasbourg. En mai 1945, on rencontrera les comédiens, les journalistes qui apprennent, de journalistes très jeunes qui apprennent le reportage, qui apprennent leur métier. Ils apprennent leur métier, en 1944, ces techniciens qui ont réinventé cette radio de la France libérée avec l'aide de l'armée américaine et également de la BBC. Mercredi, on reparlera encore de radio avec une très grande spécialiste, une historienne de la radio, mercredi, Karine Lebaille. Avec Karine Lebaille, on reviendra sur les archives sonores de la libération de Paris, comment elles ont été prises en direct et puis aussi très souvent reconstituées. Réinventées, donc ça c'est un travail. En scène. Et jeudi, on traitera des représentations postérieures de la libération de ce pays, donc par le cinéma, entre autres. Voilà, les représentations de la libération au cinéma avec les deux historiens Jean-Pierre Bertin-Maguit et Sylvie Lindeberg. Et nous avons au téléphone avec nous celui qui est en charge des commémorations de cette libération de la France, Jean-Pierre Azéma, historien. Bonjour Jean-Pierre Azéma, merci d'être avec nous. Bonjour. Alors, on voulait vous avoir pour commencer cette série d'émissions, puisque nous en aurons tout au long de la saison, comme je viens de l'expliquer à nos auditeurs qui traiteront des libérations de villes, mais également des cas, des différences qu'il a pu y avoir dans le traitement de ces villes libérées tout au long de l'année 1944-1945. D'abord, peut-être une première impression, puisque on a commencé à partir du 6 juin 1944, donc du 6 juin 2014, à commémorer, à fêter pendant tout l'été ce qui s'est passé, il y a 70 ans. Votre première impression d'historien, Jean-Pierre Azéma ? Je trouve que ça justifie tout à fait qu'on commémore non seulement, bien sûr, le centenaire de la guerre de 14 qui va bouleverser l'Europe, mais que on commémore également le 70e anniversaire des libérations de la France. Bien sûr, c'est de la libération de la France. En fait, il y a une juxtaposition de libération du mois d'août jusqu'à, et on peut effectivement déborder, les débuts de 1945. Voilà. Quand vous dites ça, c'est parce que il y a deux ans, il y avait une polémique qui s'était développée. Est-ce qu'il est nécessaire de faire les deux commémorations ? Est-ce qu'il n'y en a pas une qui est plus importante que l'autre ? C'est pour ça que vous dites ça, Jean-Pierre Azéma ? Non, je ne dis pas ça comme ça, mais ça m'avait quand même frappé à l'époque et j'avais tout à fait milité immédiatement pour qu'on commémore également le 70e anniversaire. D'ailleurs, pour une raison qui est simple, si vous voulez, c'est que l'histoire du temps présent, pour laquelle nous sommes un certain nombre d'historiens à militer, c'est une histoire avec témoins. Et ces témoins, nous en possédons encore de très précieux, et je pense que c'était le moment pour qu'ils nous disent que, à leurs yeux, 70 ans après, comment on pouvait commémorer cet événement qui est extrêmement important en France, c'est-à-dire à la fois le rétablissement de la démocratie qui est fondamental. Elle était en 1939-40 en France, vilipendée, décriée, on la disait impuissante face au progrès des régimes fascistes, voire du régime stalinien, où tout marcherait très très bien. Et voilà que la démocratie va renaître et que c'est quand même quelque chose, un point très important et qu'il faut bien bien souligner. C'est un point fondamental, c'est-à-dire que la France va redémarrer. Et en même temps, la France continue donc avec les Alliés, c'est-à-dire la destruction de cette espèce de vérole européenne qui est le fascisme, en tous les cas le nazisme. Donc ce n'est pas rien, si vous voulez, que ces libérations de la France. Anaïs Kien. Peut-être qu'on peut regretter quelque chose, Jean-Pierre Azéma. J'ai assisté notamment au son et lumière sur l'hôtel de ville le 25 août qui rendait hommage à cette libération de Paris. J'ai été quand même malgré tout très étonnée par l'absence quasi totale de représentation des Alliés. Alors effectivement, on est dans un contexte de libération autonome de Paris, mais sans les Alliés, rien n'aurait été possible. Alors alors qu'on voit bien, par exemple, sur les questions de commémoration de la Première Guerre mondiale, qu'on tente de plus en plus de rendre hommage aux alliés, aux soldats coloniaux, etc. Pour le moment, ça vient de commencer, j'en suis bien consciente, on n'a pas tellement vu apparaître ces aspects-là de la libération, de cette alliance de nations pour libérer l'Europe. Jean-Pierre Azéma. Oui, vous avez tout à fait raison. C'est un des dangers que nos libérations tournent un peu trop du côté franco-français, pour ne pas dire un côté un petit peu franchouillard, si vous voulez. Écoutez, le premier qui a commis quand même cette erreur, il s'appelle quand même Charles de Gaulle, dans le grand discours qu'il prononce, Paris, ta-ta-ta-ta-ta, Paris libéré, ta-ta-ta-ta-ta, il n'y a pas un mot des alliés. Pourtant, la 4e division d'infanterie américaine est en train de libérer quand même l'est et le sud-est de la capitale. Vous voyez, c'est volontaire chez De Gaulle. Pour nous, ce n'est pas volontaire, mais il y a à partir déjà de 45-46, c'est devenu une opération beaucoup trop franco-française, en oubliant bien sûr les alliés. Enfin, je veux dire que il est difficile, dans les deux débarquements, y compris le débarquement de Provence, où les Américains vont jouer un rôle extrêmement important, et globalement, d'oublier quand même les Américains, c'est eux qui donnent le cap, c'est eux qui fournissent le matériel, etc., etc. Il y a d'une part les Alliés, sans oublier les Anglais et d'autres nations qui ont par exemple débarqué sur les plages en juin, mais il y a aussi les étrangers qu'on a trop tendance à oublier, et les gens de l'Empire, c'est les soldats de l'Empire qui ont joué un rôle fondamental donc au moment du débarquement donc provençal qu'on vient de commémorer donc le 15. Il y a un petit progrès, vous voyez, il y a un tout petit progrès, parce que dans la commémoration de la libération de Paris, la veille donc, 24, il y a eu une commémoration très réussie, à mon avis, des Espagnols. Oui. Des Espagnols. La fameuse Nueve, c'est ça. La Nueve, c'est ça. La Nueve. Ce sont les premiers qui mettent le pied pratiquement dans Paris libéré. Et lorsque vous entendez donc les cloches sonner, etc., en principe à 9h22 heure allemande, c'est qu'on a aperçu l'arrivée de 3 chars, ensuite 11 Halstrachs, et d'où débarquent, une bonne partie d'entre eux sont occupés par des républicains espagnols, sous la direction donc du capitaine Drone, on a envoyé volontairement, parce que ce sont des gens expérimentés, courageux, et qui vont probablement forcer la décision donc avant l'arrivée globale attendue des Américains. Voilà, c'est Leclerc qui a décidé ainsi, prenez ces gens, et alors je veux qu'ils arrivent et qu'ils disent aux insurgés parisiens, voilà, nous arrivons, nous sommes là. Jean-Pierre Azéma, il y a tout de même une difficulté, on le sait, dans ce moment commémoratif, c'est évidemment, il n'est pas question, l'histoire appartient à tout le monde, donc d'avoir une version canonique de l'histoire, y compris vue par les historiens qui débattent depuis des années de ce qu'a été cette libération de la France. Mais néanmoins, c'est de maîtriser plus ou moins le message. Alors, le message présidentiel est relativement maîtrisé, puisque François Hollande s'est rendu à plusieurs endroits, y compris dans une crise gouvernementale, pour pouvoir célébrer justement ces questions de ceux qui ont résisté et qui ont permis la libération de la France. Mais les messages multiples qui sont donnés dans chacune des villes progressivement libérées du territoire français, qu'est-ce qu'ils disent? Vous ne les avez pas suivis en tant que président de cette commémoration, j'imagine, du comité scientifique, mais néanmoins, vous en avez eu peut-être des échos. Qu'est-ce qu'ils disent globalement, ces messages multiples? Alors, en gros, d'abord, il y a une nouveauté dans ces messages présidentiels, c'est qu'ils s'occupent beaucoup plus des victimes. Dans le fond, commémorer, c'est d'abord commémorer les morts. et ensuite trouver un certain nombre de points d'appui de réflexion politique. Donc ce qu'il a dit par exemple à Caen, le matin, qui précédait donc la grande cérémonie de l'après-midi sur les plages, c'est de dire en gros, écoutez, je m'adresse à vous, Canet, et vous, Normand, qui avez beaucoup, beaucoup souffert. Et c'est un message, par exemple, qu'attendaient tout à fait les Normands. Mmh. Hein, il y a 2000 morts à Caen, il y a 20 000 morts ensuite dans l'ensemble de la Normandie. La bataille de Normandie va être une bataille extrêmement difficile. C'est une décision de François Hollande. Aucun président de la République ne l'a fait auparavant. Et lorsque il a de nouveau donc commémoré le second département donc en Provence, c'est la même chose. Il a adressé donc un message aux Provençaux et notamment aux résistants qui ont joué un rôle extrêmement actif avant et pendant donc le débarquement. Voilà. Ça, c'est un message tout à fait de type présidentiel Hollande. Alors politiquement. Bon, on dit que comme il ne réussit sur rien, vous ne le prenez pas à votre compte, on a compris. Oui, voilà, il y a au moins qu'il réussisse quelque chose, et c'est ce qu'il fait, c'est de commémorer. En fait, avant même que les courbes du chômage, etc., tournent du mauvais côté, si j'ose dire, il était décidé donc à commémorer, c'est un monsieur qui est pétri d'histoire, qui lit beaucoup, beaucoup de livres d'histoire également. Et il était décidé, puisqu'il fallait également donc commémorer le 70e anniversaire, il était donc décidé donc, à commémorer de manière systématique. Et il le fait depuis le début, et on le voit très très bien dans le discours qu'il prononce, le discours dit de l'Élysée sur les commémorations. Alors, il a un message qui lui est tout à fait propre, c'est-à-dire qu'il y a toujours dans la commémoration, après avoir salué les morts, un penchant à l'instrumentalisation politique. Bon, les libérations, c'est à la fois de la stratégie, mais surtout, dans le cas français, un enjeu de type politique. Alors, il a deux choses, c'est-à-dire qu'il dit, trois choses. Un, les Français étaient au tapis, en gros, parce qu'ils s'étaient désunis et qu'il y a le régime vichysois. Passe assez vite là-dessus, mais enfin, les Français étaient au tapis, ça, il le répète. Et puis ensuite, grâce à l'unité de tous, en y mettant de la bonne volonté, on récupère, et la France a été donc notamment membre rapidement du Conseil de sécurité. Et troisième point, il ajoute l'Europe, parce qu'il est très très européen, comme on le sait. Alors là, il est peut-être un peu plus vulnérable, je pense, dans son instrumentalisation. Ben oui, c'est ça, c'est toujours la difficulté, en l'occurrence, Jean-Pierre Azéma, c'est que le politique, il est nourri d'histoire, mais il peut aussi s'en écarter pour des propositions qui sont des propositions liées à l'actualité, à la volonté de défendre une politique. Moi, je voulais savoir avec vous, Jean-Pierre Azéma, si... souvent, les grandes commémorations sont l'occasion de mise au point historiographique. On se souvient bien comment le bicentenaire de la Révolution française avait donné lieu à une énorme production historiographique autour de la Révolution française. Est-ce que vous supposez, pensez que ça va être le cas, une sorte d'aggiornamento historique autour de cette période dont nous allons parler pendant toute l'année dans la Fabrique de l'Histoire à des moments différents, donc cette période de 1944-1945 et rétablissement des pouvoirs, Jean-Pierre Azéma? Oui, oui, il y a une évolution. Il y a une évolution, disons, ou du moins cette commémoration va conforter tout à fait un certain nombre d'avancées, je ne veux pas dire d'avancées au point de vue historique, mais le fait que le projecteur soit dirigé plutôt sur ceci que sur cela. D'abord, il y a un point extrêmement important, ce qu'on avait oublié pendant très très longtemps, bon, la place de la France libre. Pour beaucoup de Français, les Français libres, c'est globalement des résistants, etc., etc. Maintenant, on comprend beaucoup mieux, il y a beaucoup plus de travaux, de toute manière, sur les Français libres, et notamment derrière Jean-Louis Crémieux-Briac. Ça, c'est le premier point. Puis alors, le deuxième point, moi, ce qui me frappe beaucoup, c'est par rapport, je ne sais pas, s'il y a une dizaine d'années, mettons, On aurait été obsédé par les problèmes du Parti communiste français. Mmh. Et puis, voilà, on serait demandé pendant, je veux dire... Pourquoi a-t-il désarmé jours, comment a-t-il... Oui, c'est ça. Le Parti communiste français a voulu prendre le pouvoir à la faveur de la libération. Alors, bon, les débats continuent, bien sûr, mais on oublie quelque chose, c'est-à-dire qu'on a oublié pendant très longtemps qu'il y avait... un monsieur qui, sinon, a pris le pouvoir, mais qui était arrivé au sommet de l'État, c'est Charles de Gaulle, et qu'il avait préparé de manière relativement méthodique, parce qu'il estimait avoir une légitimité depuis le 18 juin, défendant la France qui continuait dans la guerre. Et son message était que les Français libérés devaient d'abord continuer à faire la guerre pour pouvoir ensuite de nouveau pouvoir jouer dans la cour des grands. Voilà. Alors, le Parti communiste français, bon, on en a de nouveau parlé, mais dans le fond, pas tellement. Voilà. Alors qu'il y a 20 ans, ça aurait été la question numéro 1, il y a 10 ans, ça aurait été encore la question 1 bis. Et maintenant, bien sûr, on peut se demander si le Parti communiste français a voulu effectivement prendre le pouvoir. Or, toute une série d'articles, par exemple le dernier de Laurent Douzou et dans toute une série d'ouvrages, on voit que le Parti communiste français a peut-être été tenté. Bon, mais il n'a pas été au-delà, de toute manière. D'accord. Il s'est mis en position de force pour l'après. Mais il y avait quelque chose qui a joué, à mon avis, et qui a beaucoup pesé, c'est la politique choisie par Staline. D'accord. Merci Jean-Pierre Azéma, parce que nous arrivons au terme de cette émission, d'avoir accepté d'ouvrir avec nous la thématique que nous développerons avec Anaïs Quien, donc demain, après-demain et jeudi dans la Fabrique de l'Histoire autour des libérations de la France. Une thématique qui, vous l'avez compris, sera présente aussi tout au long de cette année, de cette saison de la Fabrique de l'Histoire. De loin en loin, nous reviendrons sur ces questions de pouvoir, de prise de pouvoir et de la façon dont il s'est exercé à la libération. Merci encore Jean-Pierre Azéma d'avoir été avec nous, à une prochaine fois. Une fois n'est pas coutume, c'est la première fois de l'année. Je vais remercier l'ensemble de l'équipe de la Fabrique de l'Histoire, puisque je ne les remercie généralement que de façon épisodique et séparée les uns les autres. Donc merci à Marie-Bonave Olivier, Aurélie Marsay, Anaïs Quien qui était présente avec nous aujourd'hui, Périne Cavran, Séverine Niata, Renaud Dalmar qui était à la réalisation, Anne Fleury, Françoise Camard, Séverine Cassard et Véronique Samouilov. Aujourd'hui à la technique, nous avions avec nous le grand Vincent René. Demain, donc, eh bien, nous nous retrouvons pour un documentaire en rediffusion, un documentaire que vous avez peut-être entendu, mais il est temps de le réentendre. C'était il y a 12 ans dans la Fabrique de l'Histoire, un documentaire signé Philippe Modol et Christine Robert, Les Voix de la Liberté. Puis vous serez avec moi à partir de mercredi, Anaïs. Mercredi, jeudi, fidèle au poste. Merci encore.